fois des gosses se tuent ici. Trop d'ex trouve ici. Même la mort traîne ici, ça se passe ici. Tu vois, y'a pas d'avenir ici. C'est où tu chômes ici, ou bien tu chill ici, ça se passe ici. Tu vois, des gosses se tuent ici. Trop d'ex trouve ici. Même la mort traîne ici, ça se passe ici. Tu vois, y'a pas d'avenir ici. C'est où tu chômes ici, ou bien tu chill ici. Je vais vous raconter comment je vois les choses. Comment se passe la vie ici, ici rien n'est rose. Même les jolies fleurs se transforment en ronces. La cité c'est la zone, sans barbelés, sans barreaux. C'est vrai qu'on porte pas tous les fardeaux du monde sur nos épaules, mais ceux qu'on porte sont assez gros. Ici y'a pas de gros bras, mais beaucoup de coups bat, coups de batte. Même les mamies nous mettent des codes barres, nous étiquettent tous les petits connards. Comme la mauvaise herbe qui pousse dans leur jardin, pleine d'hypocrisie. Ai-je des potes ici? Y'a quoi demander ce qu'on fait ici? Mais où tu veux qu'on aille? Ici ou ailleurs, c'est la même merde partout. Trop de fous, trop de tout, trop de coups. Dur de coups sur ton dos, sur tes chauds, peut-être costaud, mais t'esquives pas les balles. Ça se passe ici, tu vois des gosses se tuent ici. Trop d'ex trouve ici, même la mort traîne ici. Ça se passe ici, tu vois y'a pas d'avenir ici. C'est où tu chômes ici, ou bien tu chill ici. Ça se passe ici, tu vois des gosses se tuent ici. Trop d'ex trouve ici, même la mort traîne ici. Ça se passe ici, tu vois y'a pas d'avenir ici. C'est où tu chômes ici, ou bien tu chill ici. Tout ce qui se passe ici, c'est sans fiction. Que du réalisme, de quoi te foutre des frissons. Je fais allusion à tous ces chiffres dans l'addition, tous ces meurtres qu'on additionne, tous ces types qui disent à quoi bon d'essayer de chercher la raison, le pourquoi du comment. Tu fais la couille, après tu raisonnes. Je t'étonne, tu m'étonnes, car tu flippes que les flics viennent et te questionnent. Que les preuves pour ta défense ne soient pas très bonnes. Ici c'est pareil pour tout le monde, on cherche tous à savoir comment. Comment on peut arriver à notre but si on prend le départ avec des béquilles. Comment se sortir de cette merde, regarde, on en est là alors que d'autres brillent. Toujours la même routine, même consigne, consigne, on CDI à l'usine. Faut garder les pieds sur terre, car c'est cette terre qu'on respire et qui s'en souffre. Toutes ces années de guerre, seules les bonnes choses sont éphémères. Ça se passe ici, tu vois des gosses se tuent ici. Trop d'ex trouve ici, même la mort traîne ici. Ça se passe ici, tu vois y'a pas d'avenir ici. C'est où tu chômes ici, ou bien tu chill ici. Ça se passe ici, tu vois des gosses se tuent ici. Trop d'ex trouve ici, même la mort traîne ici. Ça se passe ici, tu vois y'a pas d'avenir ici. C'est où tu chômes ici, ou bien tu chill ici. Ça se passe ici, tu vois. Les baffes se perdent ici, la bombe se trouve ici. Même les filles touchent ici, ici où la mumu se prend pour Sébastien Lève. Vont tirer 206, mais rentrent dès que la lune se lève. Ici où tout le monde a un billet pour faire un séjour au Ponté. Où le soir les rues deviennent des circuits. Où c'est run sur run, à coup de glisse ou de burn. Tant qu'il reste la gomme, mais la gomme tous font comme Fast and Furious, souvent furieux, complexe et compense avec la grosse bagnole. Où tous sortent le bâton et font comme guignol. Devant les filles font les marioles, histoire de pas rentrer chez soi. Soir, à voir si t'es encore là demain soir. L'état se prépare à savourer ton départ. Ça se passe ici, tu vois des gosses se tuent ici. Trop d'ex trouve ici, même la mort traîne ici. Ça se passe ici, tu vois y'a pas d'avenir ici. C'est où tu chômes ici, ou bien tu chill ici. Ça se passe ici, tu vois des gosses se tuent ici. Trop d'ex trouve ici, même la mort traîne ici. Ça se passe ici, tu vois y'a pas d'avenir ici. C'est où tu chômes ici, ou bien tu chill ici. Ici où les petits ont quitté l'école de la vie. Où tu grandis avec tes futurs ennemis. Où les tours ont tout pouvoir dans cet échiquier des cités. Échec et mat, tout se tape. Pas coup de batte, se battre, s'éclate. C'est où on est, le braqueur ou le braqué. Le tueur ou tué, personne ne peut te dicter. Comment peut se passer le jour d'après. La jeunesse future va droit au mur. Beaucoup trop de cures sont dues à l'héroïne pure. Rien ne sert de courir, ni attendre, il faut partir. Car il n'y a pas de perspective d'avenir. Ici tous te mentent, pour rien te plantent. Ici tous plaisantent, sur la tourmente de tourmente. Pour rien te vendre, où le diable te tente. Ça se passe ici, tu vois des gosses se tuent ici. Trop d'ex trouve ici, même la mort traîne ici. Ça se passe ici, tu vois y'a pas d'avenir ici. C'est où tu chômes ici, ou bien tu chill ici. Ça se passe ici, tu vois des gosses se tuent ici. Trop d'ex trouve ici, même la mort traîne ici. Ça se passe ici, tu vois y'a pas d'avenir ici. C'est où tu chômes ici, ou bien tu chill ici. Ça se passe ici, tu vois des gosses se tuent ici. Trop d'ex trouve ici, même la mort traîne ici. Ça se passe ici, tu vois y'a pas d'avenir ici. C'est où tu chômes ici, ou bien tu chill ici. Ça se passe ici, tu vois des gosses se tuent ici. Trop d'ex trouve ici, même la mort traîne ici. Ça se passe ici, tu vois y'a pas d'avenir ici. C'est où tu chômes ici, ou bien tu chill ici.